Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous poursuivons maintenant le premier point de notre deuxième chapitre, dont l'objectif est de mettre en valeur la relation entre la période des royaumes combattants, située entre 453 et 222 avant notre ère, avec l'émergence de ce qu'on a nommé les 100 écoles de pensée. Nous parlions avant la pause de ce qui caractérise l'époque Changguo, et parmi les changements significatifs de l'époque, on remarque d'importants changements dans les pratiques militaires, alors que, de manière générale, les besoins des États à tous les niveaux sont de plus en plus centrés sur la guerre. Ces transformations sont mesurables sur le plan matériel, alors qu'on voit l'apparition de nouvelles armes, qui viennent changer complètement les rapports de force, permettant l'apparition des paysans-soldats et d'une infanterie plus nombreuse appuyée par les tirs d'arbalète. Les transformations se manifestent aussi au niveau des idées face à la guerre et en considérant les buts poursuivis par ceux qui se lançaient en guerre. À l'époque précédente, soit à l'époque des printemps et automnes, la guerre était considérée comme une activité de la noblesse, conditionnée par la possession de chars, de chevaux et d'armes de bronze qui témoignaient tous d'un certain niveau de richesse. Dans ce contexte, la guerre était perçue comme un lieu d'affrontement pour les vertus aristocratiques, dont la bravoure, ce qui permettait aux nobles de s'illustrer au combat. À l'inverse, le déclin des Zhou ayant été marqué par un déclin de la noblesse et de l'esprit rituel qui l'animait, les buts de la guerre changèrent complètement, et celle-ci avait dorénavant pour objectif principal l'enrichissement et la conquête territoriale. La modification des buts et des méthodes de la guerre nécessitait de nouvelles stratégies, portées par des généraux animés de nouvelles visions. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'on retrouve un des ouvrages les plus emblématiques de l'histoire de l'art militaire, soit l'art de la guerre de Sun Tzu, ce dernier ayant vécu entre 453 et 403, soit au tout début de l'époque Changguo. Ainsi, la guerre était omniprésente et la dynamique guerrière devint le véritable moteur des transformations de la société chinoise à l'époque des royaumes combattants. C'est aussi dans ce contexte qu'on assiste aux premières mesures de concentration accrue des pouvoirs politiques, mesures qui aboutirent à l'établissement d'un État complètement centralisé au bout de quelques siècles. Il y a sept protagonistes principaux, sept principautés différentes qui s'affrontent à l'époque des royaumes combattants. Ceux-ci se nomment Han, Wei, Chao, Ti, Yen, Qin et Chu. À ces sept royaumes s'ajoute la royauté Zhou, survivant de manière quasi symbolique jusqu'à sa conquête en 256 avant notre ère. Ces sept principautés rivales partagent les traits communs identifiés plus tôt, et surtout, pour chacune d'elles, les capitales du royaume, organisées comme des cités-palais, deviennent alors des lieux de brassage de population et d'échanges extraordinaires, tant sur le plan économique que sur les plans politiques et culturels. Dans ce contexte, on voit se développer un important clientélisme, dont l'objectif visait à répondre aux besoins concrets des États qui rivalisaient les uns contre les autres. Ce clientélisme attirait autour des cités-palais de nombreux gens instruits, associés à ce que nous appelons la petite noblesse, les shi, offrant leurs services et faisant étalage de leurs talents afin de tirer profit du patronage des puissants. À l'époque Chuanzhou, les fonctions militaires et politiques étaient pour la plupart exercées par des membres des grandes familles aristocratiques dont les titres étaient devenus héréditaires avec le temps grâce à leurs alliances avec la maison royale. Ceux qu'on appelait les Cheux étaient pour leur part des exclus de cette grande noblesse, issus de familles secondaires. Par exemple, les fils cadets ou les enfants des épouses de second rang. Ils occupaient diverses fonctions telles que scribes, servants, écuyers, cochers, direction des affaires ancestrales, etc. Mettant en valeur les principes du clientélisme, les Cheux trouvèrent, dans le contexte des cités-palais de l'époque Chan Guo, un terreau fertile pour s'épanouir. C'est dans ce contexte qu'on vit des disciples graviter autour de maîtres qui étaient reçus par des hôtes qui les accueillaient. Les disciples venaient pour s'instruire, bénéficier des enseignements de ces maîtres, alors que les gens discutaient et s'instruisaient allègrement dans différents domaines d'intérêt propres au fonctionnement de l'État. C'est ainsi qu'on voit se former une grande diversité de lignes d'affiliation entre les idées, menant à l'éclosion de ce que nous appelons les 100 écoles de pensée. Dans ce contexte intellectuel bouillonnant, on se questionnait sur tout, incluant la nature de l'État, le cosmos, la morale, l'agriculture, la stratégie, la diplomatie, la science, la divination, l'hydrologie, le langage, les mots et les discours, etc. Tout ce qui pouvait toucher aux affaires de l'État et du monde devenait objet de pensée et d'investigation et menait ultérieurement à une spécialisation sur des thèmes spécifiques. L'expression « sans école de pensée » signifie tout simplement qu'il y avait une très grande diversité de courants d'idées. Par ailleurs, l'apogée de cette période particulièrement riche de l'histoire de la Chine est située entre le 5e et le 3e siècle avant notre ère, ce qui, comme le faisait justement remarquer Benoît Vermander dans sa lecture des classiques chinois, correspond grosso modo à la fin de la période axiale, identifiée par le philosophe Karl Jaspers, un moment pivot dans l'histoire de la pensée et de la philosophie partout dans le monde. Pour ce qui est des 100 écoles de pensée, on ne sait pas combien il y en avait exactement, parce qu'il ne s'agissait pas d'écoles formellement établies, ni rigoureusement distinctes les unes des autres. Mais du lot, il y en avait 6 principales qui se démarquaient et qui eurent un impact considérable pour la suite de l'histoire. Parmi les 6 principales écoles, on retrouve d'abord les cosmologistes. Ceux-ci s'intéressent, par exemple, aux questions sur la relation entre le yin et le yang, ainsi qu'aux principes qui régissent l'univers. Il y a ensuite l'école des ritualistes, qu'on désigne parfois comme l'école des lettrés, qui favorise l'étude et la transmission de la culture écrite, issue des livres classiques, ainsi que le maintien des rituels. L'école des moïstes concerne les disciples de Mozi, et l'école des noms s'affaire principalement à réfléchir sur la distinction entre les noms et la réalité qu'ils tentent de représenter. L'école des taoïstes est associée aux questions sur le non-être et sur la voie, qu'on appelle le Tao, mais aussi sur les différents éléments de la nature. Finalement, les légistes sont préoccupés par l'établissement de lois claires et précises comme fondement d'un bon gouvernement. En bref, les 6 écoles principales sont les cosmologistes, les ritualistes, les moïstes, l'école des noms, les taoïstes et les légistes. Voyons maintenant le deuxième point de notre deuxième chapitre, soit les fondements du système de pensée chinois. La diversité des écoles que nous venons de mentionner, ce n'est pas une diversité qui est à voir comme une rivalité de systèmes philosophiques concurrents. Cette diversité reflète plutôt des approches distinctes qui témoignent de l'expression concrète et pragmatique des différents besoins des États qui se développent alors. De plus, la séparation entre les écoles de pensée ne doit pas être vue comme quelque chose de rigide ou exclusif. D'ailleurs, on trouve de nombreux entrecroisements entre les idées des différents penseurs de l'époque. On voit que les emprunts conceptuels, les emprunts thématiques sont fréquents et on voit surtout que c'est ainsi que les différentes perspectives s'enrichissent, voire se précisent parfois et se complètent mutuellement. En fait, au-delà des différences entre les perspectives énoncées, la diversité des écoles de pensée ne doit pas faire oublier les importantes similitudes et les points communs partagés par l'ensemble des penseurs de l'époque. À cet égard, il y a quatre éléments de similitude au sein de cette vaste pluralité de penseurs que je voudrais souligner ici. Une première caractéristique partagée par toutes les écoles de pensée de l'époque concerne ce qu'on pourrait nommer une idéalisation de l'unité, symbolisée par la royauté des Zhou. En fait, tous cherchent à trouver des réponses au chaos politique dans lequel ils se trouvent. Tous cherchent un remède, en quelque sorte, à l'effritement des valeurs de la noblesse qui caractérise le contexte de l'époque. Alors que la très grande majorité des penseurs voient dans la royauté des Zhou l'archétype politique d'un âge d'or qu'il faudrait tenter de retrouver, la seule nuance significative à cet égard vient du côté de l'école des légistes. Alors que l'école des légistes imagine plutôt l'idéal de l'unité politique dans un modèle projeté vers le futur, un modèle à venir, plutôt qu'un modèle situé dans un temps révolu du passé. Pour les légistes, puisque l'adaptation aux circonstances, c'est une donnée fondamentale, l'idéalisation du passé constituerait en fait un aveu d'échec, c'est-à-dire l'incapacité de s'adapter face aux circonstances du temps présent. Cela étant dit, l'unité politique est, pour toutes les écoles de pensée, un idéal qu'il vaut la peine de chérir et un idéal qu'il vaut la peine de chercher à reconstruire pour se prémunir contre les égarements et les violences de la période fragmentée des royaumes combattants. Je vais continuer la semaine prochaine avec la présentation des autres similarités entre les différentes écoles de pensée de l'époque des royaumes combattants. Mais avant de terminer cette émission d'aujourd'hui, qui se déroule sous le thème de la Lune, je tiens à vous rappeler que lundi, le 6 octobre prochain, ce sera la fête de la mi-automne, et qu'à cette occasion, il est coutume de manger des gâteaux de Lune et de les partager avec vos proches. Pourquoi donc partager des gâteaux de lune? Il existe de nombreuses histoires qui parlent de l'origine de cette tradition, qui remonterait à l'époque de la dynastie Tang, entre le 7e et le 10e siècle. Une tradition qui se serait popularisée sous la dynastie mongole des Yuan, au 13e, 14e siècle. Certains racontent qu'on cachait dans les gâteaux des messages pour inciter au rassemblement contre la dynastie étrangère. Mais parmi les récits qui portent sur l'origine des gâteaux de lune, il y en a un qui nous fait remonter jusqu'au mythe de l'Archéi, celui dont nous avons déjà parlé dans le cadre de notre deuxième épisode. L'Archéi, qu'on appelle parfois Oi, venait donc de sauver l'humanité en éliminant les 9 soleils qui étaient de trop dans le ciel. Et pour le remercier, on lui avait remis une potion d'immortalité qui lui aurait permis de rejoindre les immortels. Revenu à la maison, Oui raconta l'histoire à sa femme, Chang'e. Mais il ne voulait pas prendre la potion tout de suite, parce qu'il ne voulait pas être séparé d'elle. On raconte qu'il partit à la recherche d'une autre dose de la potion pour que sa femme puisse l'accompagner aussi dans l'immortalité. Mais alors qu'il était parti au loin, tout bascula. Parmi les versions qu'on trouve du récit, il y en a une qui raconte qu'un brigand voulait voler le précieux élixir de Oui. Mais Chang'e savait à quel point la potion était précieuse pour son mari. Et pour s'assurer que le malfaiteur ne puisse dérober la potion, elle décida de la boire en cachette. Le corps de Chang'e devint alors éthéral et elle s'envola dans le ciel, jusque dans la lune où elle y réside depuis ce jour. On raconte qu'à son retour, Oui chercha sa femme partout, mais il comprit tout de suite ce qui s'était passé lorsqu'il vit son visage apparaître sur la lune. Il sortit alors une table avec les mets préférés de sa bien-aimée pour lui présenter des offrandes, incluant les fameux petits gâteaux que nous partagerons lundi soir prochain. Avant de tourner la page sur notre émission, je vais vous laisser avec une dernière pièce musicale qui vient encore une fois mettre en valeur la Lune. Mais cette fois, en suivant les règles de l'espace négatif en dessin. C'est une chanson qui parle de tout ce qui rend possible les éclats de lune tels que nous les voyons, c'est-à-dire une chanson qui nous parle de la noirceur et de l'obscurité. Vous n'avez qu'à regarder en plein jour ce qu'on voit de la lune, c'est une lune qui est fade et sans éclat de lumière. C'est l'obscurité qui donne à la lune sa vigueur et son éclat. C'est une obscurité qu'on découvre, une obscurité qui est sombre comme la plus sombre des encres noires. Une obscurité qui nous assaille en faisant le ménage d'une vie oppressante. Une obscurité sombre qui nous enveloppe de toutes parts. Une obscurité sombre de laquelle vient pourtant un éclat de lune qui parvient à la percer. Une lumière discrète qui est là pour nous ramener et pour nous guider sur le chemin d'un peu d'espoir. C'est donc avec une chanson de Xie Tianxiao que je vous laisse pour aujourd'hui. Une chanson qui s'intitule « Teindre la nuit en noir » par Yewan Zhanghei. Mon nom est Carl Derry. Je vous dis à la semaine prochaine.